te rappelle à l'époque quand y'avait pas de soirée poker. T'es des gros buzz au pot ton car, on va squatter ton local. Poteau ça pisse dedans, ok ça met des cales. Parle-moi pas de ta piste de danse, c'est vrai les thunes ça diminue. Tu fais une 20 balles en 10 minutes, tu veux visser un tas de minets. Mets ta la tête dans tes minettes, oh, poignée des menottes. Ah putain j'en perds les mots, ok les frères ça fait un bail. Qu'on n'est plus des mômes, ouais, le temps passe si vite. Faut plus péter plus de ses vitres, c'est fini les 400 coups. Quand tu frappes à 400 couilles, t'oublies tes remparts forts, tu vis tes remparts. Coûte que coûte, il faut des thunes. Imagine-toi faire des tubes. Pour la recette, j'ai ma méthode, j'ai zappé les études. C'est la merde ici, c'est tu. Toi-même, tu sais, pensais-tu. Je suis ailleurs et puis c'est tout. Trop de plaies d'avance s'étouffe. Tu peux toujours s'essu. L'avenir est pas si sûr, ça on le sait tous. Pareil que les sujets qui piquent, ça donne souvent des boutons. J'en vois seul comme un lion, en vous regardant comme des moutons. L'important, c'est toujours de garder son calme, rester droit comme un homme, car j'ai jamais baissé le socal. Les gringos, je suis pas seul tout, posé sur mon radeau. On est plein dans la merde, des galères, on en verra d'autres. J'ai pas te parler de mes problèmes, t'es pas là quand faut faire face. Pour tout niquer comme Walter White, j'ai opté pour la fartage, frérot. Regarde CMC qui se dandine comme Shakira. Vas-y, zoom d'un peu plus près, mec, on dirait mon chat qui rappe. Assumer sans perdre de couilles, c'est ce que la rue t'apprend. Mais ces bouffons l'ont incompris, s'assimile comme une pute à grand. Les idées stun. Donc j'ai fini par tituber, m'éloigner de tous ces bâtards qu'ils ont fini par t'entuber. Papa paya, la rime cuisine au vécu de poisseux. Et si je suis dans le beau drap, c'est qu'on dormira bien soir seul. T'es qui ton premier citoyen, employé, honnête citoyen. Maman n'a pas les moyens comme des millions de femmes au foyer. Vous allez vu partir nettoyer sans jamais s'apitoyer. Elle voit ses rêves s'éloigner dans les dettes complètement noyées. Papa s'en va travailler car faut quand même payer le loyer. Y'a plus tête à tête loyale, vas-y laisse tomber les voyelles. Chante pas du Chantal Goya ou du colonel Riel. Silicone est à la zone. Y'a pour mieux m'étonner comme Ayem. Demain c'est loin comme Ayam. Et tout s'arrête comme les Mayas. Mets de la mayo si c'est sale. Et mouiller le maillot comme la sana. Tu veux tailler mais c'est salaud. Ne veulent pas te voir t'installer au galop. Rincana, j'suis une égale à bout. Ça kick comme un saga depuis l'époque de la Sega. J'suis un W8 pas ça te met le rap français. Ça paye pas. Pa pa pa pa. Des culs de Simone écrasés comme du money. On veut pas ces frappes de Rooney. J't'ai effacé. Hoche la tête pour le deuxième tome. On reste hip hop et plus c'est tout. Fini la tombe pour tout niquer. Fallait patienter le deuxième tour. J'encaisse à tort. J'aime que le beurra et j'ai pas de penalty. On a débuté sur le banc de touche. Bientôt on tire les penalties. Dans le rap et rien à perdre. T'inquiète même pas. J'ai de la putain de rime à la pelle. Avec un style impeccable. La classe comme à l'ancienne. Un peu comme la pâte à Beckham. Faut que je redescende un de ces quatre. La tête en l'air comme ta Beckham. Frère, t'es clairement fou. Si la chronique c'est le réel. L'équipe c'est clairement fou. Dis-leur béni qu'on a l'écro comme Luis Suarez. Pour ça qu'on prend le micro et qu'on paiera toute la soirée. Et benga faut tout flinguer. Faut tout muser sur les petits jeunes. Poto va demander à Wenger. Faut mettre à la manchac comme si check. Mec mon crew c'est la manchac. J'parle pas de faire tour de la plasma. Ni crever l'écran plasma. Un minibus mais ça c'est dans la foule. Réserve ta plasma.